Vous êtes une jeune Afghane mineure et on ne vous a pas laissé choisir votre mari. Votre gentil papa vous a offert à son copain de 65 ans et vous avez peur que votre mariage ne soit pas vraiment le plus beau jour de votre vie. Ne vous en faites plus. Utilisez le cyanure. Une seule goutte de cyanure dans le verre de votre futur époux et vous passez instantanément du statut de jeune marié à celui de veuve éplorée. Avec le cyanure, c'est l'assurance d'une cérémonie réussie. Votre mariage sera enfin le plus beau jour de votre vie. Attention, l'abus de cyanure est dangereux pour la santé. Utilisez avec modération. Ça va pas la tête ?